ça fait depuis le 7 mars 2016 que je suis donc médiateur pair au service promotion de la santé de la ville de Wanam. Donc je travaille sur deux quartiers politiques de la ville, donc sur Almatre et Cloître Chinoise sur le secteur 2 de la ville de Wanam et Mistral, Lise Rouge, Camine sur le secteur 3. Je travaille avec Rachida Kebaili qui elle travaille sur le secteur 6, donc sur le quartier de Village Olympique, et Nadia Boukreri sur le secteur 5 qui s'occupe du quartier Tesser ABI. Donc on est répartis sur 4 secteurs de la ville et sur plus précisément sur 4 quartiers politiques de la ville. Notre principale mission, c'est plus de lutter contre les inégalités en termes d'accès aux soins et d'accès aux droits. Notre mission, on va dire plus concrètement, c'est vraiment d'aller au contact des habitants, de faire beaucoup d'aller vers, d'aller à leur rencontre, de leur expliquer les droits, d'expliquer les lieux ressources, où ils peuvent trouver de l'information, où ils peuvent trouver de l'aide. On a aussi un rôle de médiation parce qu'on est médiateur, donc ça nous arrive aussi de faire de la médiation entre professionnels et usagers, entre médecins et patients. Le but étant que le soin soit fait, pratiqué. Nous, on fait de l'aller vers et ça marche très bien. On avait peut-être une petite appréhension au début, mais ça marche très bien. On fait même du porte-à-porte, donc on va chez les gens. On toque chez eux, puis on se présente. Au début, il y a toujours un petit froid au début, mais qui s'estompe très vite au bout de quelques secondes quand on explique ce qu'on fait, pour qui on travaille. Et notre mission, c'est tout de suite bien perçu. Tous les habitants prennent ça comme de la bienveillance. Donc on est tout de suite bien reçu, le dialogue se dénoue très vite. Et on arrive à parler de problèmes et même à résoudre des situations donnant accès aux droits sur le palier d'une porte. Le contact humain, il est important, mais déjà le fait de se déplacer et d'aller vers la personne et d'expliquer ce qu'on fait, ça permet plus facilement d'établir un contact de confiance. On l'a remarqué. Le fait de se déplacer, d'aller jusqu'à chez la personne, l'usager se sent vraiment important, quoi. Il se dit, ben, on m'oublie pas, je suis chez moi, j'ai baissé les bras, mais non, on m'oublie pas. On vient jusqu'à chez moi pour m'aider. Et ça crée le lien de confiance.